Chapitre 5. Maintenant, l'inconnu suivi par Browning devait être bien tranquille. Sans doute pensait-il avoir dépisté ses suiveurs. Sans aucune précaution, il prit le métropolitain dans la direction de Villiers, changea à Saint-Lazare et alla s'installer dans une rame du nord-sud à destination de Montmartre. Il remonta à la surface du sol à la station de Lamarque et, à la grande stupéfaction de Browning, se dirigea vers la rue du Mont-Cenis qu'il emboucha. Il arriva ainsi au cabaret de la rue Saint-Vincent, dans lequel il pénétra. Browning était furieux. « M'avoir fait faire le tour de Paris, grommela-t-il, m'avoir essoufflé, m'avoir empêché de déjeuner, tout cela, pour venir ici, dire que je n'aurais eu qu'à l'attendre. » 5 heures de l'après-midi n'était pas loin. Déjà, c'était la nuit. Un allumeur de réverbère croisa l'Américain. Browning regarda autour de lui dans l'espoir d'apercevoir son associé. Rabascas n'était pas là. « Il doit m'avoir suivi, mais il n'aura pas dû soutenir l'allure, » pensa Browning. « C'est un assez fin limier, mais il n'y a encore que nous autres, Américains. » Voyons maintenant à pénétrer dans ce cabaret, et sans être vu. À la vérité, Browning aurait bien voulu entrer tout simplement dans la salle commune et se faire servir une consommation. Et bien qu'il eût, comme on se souvient, modifié son déguisement et sa physionomie, il craignait avec raison d'être reconnu par l'homme qu'il avait assommé si dextrement quelques heures auparavant. Se fiant sur les ténèbres ambiantes, il fit le tour de la masure contenant le cabaret du dernier des rapins, et ayant atteint un terrain vague jonché de détritus de toutes sortes, arriva devant une muraille qui délimitait la petite cour occupant le derrière de la maisonnette. Il s'approcha du mur et écouta. Il n'entendit rien, et après une brève hésitation, escalada la muraille en cédant des interstices existants entre les pierres. Ayant haussé ses yeux au niveau de la crête du mur, il plongea ses regards dans la courette et vit qu'elle était déserte. Dans un angle, une barrique défoncée voisinait avec des débris de caisse et une niche à chien, vide, heureusement. 2 fenêtres, une porte vitrée donnaient dans la cour. À travers les carreaux, Browning vit des ombres se mouvoir. Il attendit quelques instants et audacieusement escalada la muraille et se laissa tomber à l'intérieur. Il faillit s'étaler en glissant sur des épluchures de fruits négligemment jetées sur le sol. Il réussit à conserver son équilibre et marcha vers une petite porte entr'ouverte qu'à sa position il jugea devoir donner sur l'escalier de la cave. Il ne se trompait pas. Ayant attiré le bâton à lui, il distingua un étroit escalier tournant aux marches de bois. Il ne put en voir plus, la cave n'étant pas éclairée. Il eut une nouvelle hésitation et franchit le seuil. De faibles bruits de voix parvinrent jusqu'à lui, mais il ne put distinguer les paroles prononcées. Doucement, tâtant chaque marche du pied avant de s'y appuyer, il descendit. À la 18e marche, il atteignit le sol de la cave. Dans les ténèbres, il entrevit des ombres immobiles et jugea qu'elles étaient produites par des futailles et des caisses irrégulièrement rangées contre une des murailles. Avec précaution, il avança, et après 4 pas, faillit se heurter contre un énorme feu vide. L'ayant contourné, il distingua un mince ray de lumière au ras du sol que la futaille l'avait empêché d'apercevoir. Il s'en approcha et vit que la lueur filtrait par-dessous une porte de bois. Il colla son oreille au bâton et tressaillit en entendant ces mots en anglais. « Te l'ai dit, si tu avais poignardé au lieu de l'assommer, tu n'aurais pas perdu ainsi toute la journée et nous serions déjà à Calais avec le document. Maintenant, nous pourrons tout juste prendre le train de 11h31, ce qui ne nous permettra pas d'être à... Au diable, ton train de 11h31 ! Avec ce qui s'est passé, tu veux toujours suivre le même itinéraire ? Tu veux nous faire cueillir avant de quitter ? Et l'agent du service secret qui nous attend à Douvres, tu oublies que pour avoir la prime, nous devons d'abord ne pas nous faire prendre. Et après ce qui s'est passé aujourd'hui, nous devons nous méfier de tout. Les Japonais sont plus forts que nous les avions cru. Ils se doutent de quelque chose, je te le dis, Stratson. Ils ont bien compris, eux, que c'est nous qui avons attaqué l'autopostale. Et ils savent pourquoi. Par exemple, je me demande comment ils ont découvert ma trace. Mais tu disais que ce n'était pas des Japs qui t'ont suivi et que... Et après, Antoniades est-il un Jap? Non. Alors quoi d'étonnement à ce qu'ils aient d'autres blancs à leur service? En payant, on a tout ce qu'on veut. Laissons cela. Je suis sûr de les avoir dépistés. Si tu avais vu comment je les ai décollés en sautant dans le taxi, c'était risible. Maintenant, il s'agit de manœuvrer bien jusqu'au bout. nous allons nous rendre à la gare du PLM. Nous prendrons le train pour Bercy-Ceinture. De là, nous filerons par le chemin de fer de Ceinture et reviendrons à la gare Saint-Lazare, d'où nous partirons pour le Havre. Et du Havre à Southampton, voilà l'affaire. Pas mal l'imaginer, Pilcots, mais... Laisse-moi tranquille avec tes mets. Reste ici, je vais aller prévenir le patron qu'il nous descende à manger. J'ai une faim mortelle. Ensuite, nous déguerpirons. Je voudrais être là-bas déjà. Prépare les papiers. Tom Browning ne voulut pas en entendre plus. Ses yeux, heureusement, s'étaient accoutumés à l'obscurité. En silence, il se glissa donc sans difficulté aucune derrière la futaille voisine de la porte contre laquelle il s'était placé pour écouter. Il venait à peine d'atteindre sa cachette que le bâton pivota sur ses gonds. Une clarté jaune illumina la cave. Browning vit passer devant lui l'homme qu'il avait filé pendant toute l'après-midi. Il disparut aussitôt dans l'escalier menant au rez-de-chaussée. Quelques minutes s'écoulèrent. Browning ne demandait plus qu'une chose, s'en aller. Il en savait assez maintenant. Mais la porte du réduit où avaient conversé les inconnus était restée ouverte, et la clarté passant par l'ouverture illuminait la cave. L'Américain, craignant d'être vu et de tout perdre, se garda de bouger. Les voix le firent tressaillir. Son inconnu revenait. Il n'était pas seul. Une sorte d'Hercule, aussi large que haut, le suivait, portant dans ses mains énormes un plateau chargé de bouteilles et d'assiettes. Les deux hommes passèrent devant l'Américain. Browning entendit l'athlète grommeler, toujours en anglais. « Il a raison. Vous auriez dû lui écraser la tête. Les risques sont trop grands pour faire du sentiment. Pensez qu'il s'agit d'un... » Browning n'en entendit pas plus. Les deux hommes avaient franchi la porte, qui aussitôt se referma sur eux. C'était maintenant le moment de fuir ou jamais. Browning fit un pas pour sortir de sa cachette. Mais les grognements étouffés, les piétinements au-dessus de lui le firent reculer. Il entendit un bref coup de sifflet, puis des cris, des heurts de bouteilles brisées, un cliquetis de verre. Et de nouveau, ce fut le silence. Mais pas longtemps. Presque aussitôt, des pas claquèrent dans la courette. Des ombres apparurent dans l'étroit escalier. Et en même temps, la porte du cellier, dans lequel venait de pénétrer l'inconnu, et le géant portant les victuailles s'ouvrit. « Les jappes !» gronda l'athlète. Il n'eut pas le temps d'en dire plus. Par l'escalier, une véritable grappe humaine dévala. Une douzaine de petits hommes, brandissant des poignards des casse-têtes, dégringolèrent dans la cave. Dans les demi-ténèbres, une mêlée sauvage s'engagea, car les trois individus étaient sortis du caveau et avaient immédiatement été entourés par les assaillants. Browning entendit des chocs sourds, des cris de fureur, des râles. Le géant qui avait apporté les victuailles, atteint en plein front par un coup de bouteille de champagne, poussa un cri rauque. Il voulut se retenir à la futaille derrière laquelle se dissimulait Browning. Il ne réussit qu'à la faire basculer sur lui, découvrant ainsi le détective. Il s'écroula, écrasé, en faisant entendre un dernier rugissement, cependant que deux des assaillants se ruaient avec furie sur l'Américain.